Pour répondre au téléphone, un conducteur peut s'arrêter dans la zone numéro 1, oui, réponse A, non, réponse B, dans la zone numéro 2, oui, réponse C, non, réponse D.